meurtrice, mais l'amour, et puis donner la vie. Enfant de tout pays et de toutes couleurs, vous avez dans le cœur notre bonheur. C'est dans vos mains que demain notre terre sera confiée pour sortir de la nuit. Enfant de tout pays, bonjour. Vous êtes bien sur Radio Fagette Nancy, 94.2 pour les Lorrains, et sur le net, fagette.net, pour les autres Européens. Yves à la technique, assisté de Guillaume, Daniel en votre compagnie pour vous présenter Patchwork à l'écoute des musiques du monde. La programmation de ce jour vous propose des œufs cantillés, comme d'habitude, un voyage musical au Cameroun, trois coups de chapeau à Manu Dibango et une promenade autour du mot « musique » dans le titre des chansons. Allez, place au zouk. Warren, c'est un auteur, compositeur, interprète qui est né à Saint-Laurent-du-Maroni, en Guyane. Sa mère était choriste et ses deux pères, ben oui, deux pères, pourquoi pas, l'un chanteur de reggae et l'autre guitariste, l'ont initié dès son plus jeune âge à l'univers varié de la musique des Caraïbes. Par ailleurs, il fréquentait régulièrement la chorale d'une église où il pratiquait le chant liturgique tout en apprenant le piano, échec et mat Warren. Wow. toi. Vivre un instant de bonheur avec un autre. Pour savoir si toi et moi on en est fait l'un pour l'autre. Si toi et moi on en est fait l'un pour l'autre. Comme nous arrêter, jouer. La République du Cameroun, et c'est un pays d'Afrique australe situé entre le Nigeria, le Tchad, la République Centrafrique, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République du Congo et le Golfe de Guinée, beaucoup de voisins. Population du Cameroun, 25 millions d'habitants, pour une superficie un peu inférieure à celle de la France. Les villes importantes sont Yaoundé, la capitale administrative et politique, avec 1,5 million d'habitants. Et Douala, capitale économique, avec 2 millions d'habitants. Et puis Garoua, le port principal, avec 300 000 habitants. Langue parlée au Cameroun, eh bien, on en recense 309, mais les langues officielles sont le français et l'anglais. Et le Cameroun, composé de 10 régions, pour 8 d'entre elles, on parle français, et pour les deux autres, on parle anglais. Cela étant, au Cameroun, on est bilingue. Chanson camerounaise, Moni Bilé. premier coup de chapeau à Manu Dibango. Manu Dibango, surnommé le Papa Groove ou Papa Manu, est un saxophoniste et chanteur camerounais de world jazz. Il est né en 1933 à Douala et de parents protestants. Et c'est pour cela que c'est la chorale du temple qui l'a initié au chant. Il a passé son adolescence à Saint-Calais, c'est une commune de la Sarthe, étudiant à Chartres, puis à Château-Thierry au début des années 50. Il découvre le jazz, la mandoline, le piano et enfin le saxophone, Lili Manu Dibango. Malembe. Umulema. Kitoko. Amotema passe. Alili. Oh. Yoleki. Lili. Lili. Alila. Sisi. Assistando. Notre promenade en chanson autour du mot musique. Trois petites notes de musique. C'est une chanson écrite par Henri Colpi.

un autre monde en pleine nature, où l'on découvre que le meilleur moyen de protéger les singes, les gorilles et les chimpanzés n'est pas de les mettre en cage. Et puis on se rendra aux chutes d'eau de Lobé, le site où le fleuve se mêle en cascade à l'océan, réserve des moments magiques. N'hésitez pas à faire quelques brasses pour traverser les quelques dizaines de mètres qui séparent la rive de l'autre côté. Déjeuner à la terrasse, d'une paillote, se prélasser à l'ombre des palétuviers ou déguster des crevettes, ben c'est la belle vie, non? Et puis l'INBE Welfare Life Center, le centre n'est pas très grand, mais vaut le détour pour sa mission de sauvetage des primates et de sensibilisation aux conséquences du braconnage et les anciennes cages de zoo conservées pour montrer les conditions de vie qu'ont dû subir ces animaux font froid dans le dos. Puis on se rendra à Yaoundé, au musée national, la dernière demeure du premier président du Cameroun. Pour tous les amoureux des beaux-arts, c'est la découverte de la culture camerounaise dans toute sa nature et toutes ses régions. Les instruments de musique, la reconstruction des habitats et les coutumes typiques. Et puis, en vrac, qu'est-ce qu'on pourra faire encore au Cameroun ? Ben, Foumban, la cité des arts, Kribi pour ses plages de sable blanc, la réserve de la faune de Dja, une forêt humide abritant également une population de pygmées. Allez, chanson camerounaise, Jean Biroko. Kaisa, oh mama, kasa, kasa, manduro, mama, na kasa, le pinina. Mamuru mama mamure mamura lawan mamur maliya nem mamaru jobla da mamolo ni bunje alade Ani very very very very very Deuxième coup de chapeau à Manu Libango. Différents contrats le mènent de 1956 à 1965 en Belgique. En France, en 1967, il trône à la tête de son premier big band et jouera de l'orgue et du saxophone pour Dick Rivers et Nino Ferrer. Et en 1972, la phase B de son 45 tours Saul Makossa fait la conquête des États-Unis. C'est pas ça que je vais vous passer aujourd'hui. Dans les années 80, il accompagna également Serge Gainsbourg. Et là, aujourd'hui, je vous passe Africa de Manu Dibango. De notre promenade sur le thème de la musique. Ben, la musique, il s'agit de l'adaptation d'une chanson américaine, Angelica, parole de Anne Grigori. La chanson de Nicoletta est en fait basée sur la première interprétation de Frederica, œuvre du chanteur belge Elitchenko, et le morceau sorti en 1966 est remarqué par des producteurs français qui le proposent à Nicoletta avec un nouveau texte, et Elitchenko ne sera jamais crédité. À votre compteur, à votre bon cœur, Madame Nicoletta. Quoi, du pognon, des sous bourrés, du tout, casse-toi. Merci beaucoup, Madame Nicoletta. En 2001, la chanson est reprise par les candidats de la Star Academy, saison 1. Succès très important. Et le single se classe premier en France pendant 9 semaines, la musique Nicoletta. Mmh. marcher sans but. Au long de l'ennui, moi qui ne croyais rien qu'à ces petits. De gloire. Moi qui ne croyais rien, aujourd'hui crois en mon destin. Pour trouver la vérité, il me suffisait de chanter pour moi la musique. Oui, la musique, je le sais, sera une petite fin, Guillaume ? Bah oui, hein ? Ah bah oui, à cet âge-là, on bouffe. Hein. Alors on va manger en cuisine camerounaise. D'abord, il faut savoir que le nom de Cameroun provient du mot crevette. Alors on s'étonnera pas de manger des crevettes de cribi sautées à l'ail. On pourra apprécier les banja, je sais pas si ça se prononce comme ça d'ailleurs, du poisson frais avec piment, citron et sel. Le mokwa, un bouillon de poisson, des sauces à base de noix de palme ou de mangue. Le soya, des grillades de brochettes de bœuf cuites au feu de bois. Le poulet DG, le poulet directeur général. C'est un ragoût de poulet frit servi avec des bananes plantains et des légumes. Le ndolé, une plante légumière dont la couleur et la texture rappellent celles des épinards. En tout cas, si vous avez besoin d'y aller, ça fait aller. Et puis les boissons, le bissap ou le jus de phalaire à partir de fleurs d'hibiscus et d'ananas. Et en boisson alcoolisée et à consommer avec beaucoup de modération, l'eau dentale fabriquée à partir de vin de palme. Il s'agit d'un alcool fort et pas cher, dont le nom a été emprunté à une marque de dentifrice, c'est vous dire. C'est le whisky du pauvre, à vos risques et périls. Il prévient, c'est le guide du routard qui nous prévient. Allez, chanson camerounaise. Parce que c'est un pour le bout. On ne tire pas. C'est comme ça. Oh, Njamba, Njamba, Ngwame, Njamba. Oh, Njamba, Njamba, Ngwame, Njamba. Njamba, Njamba, Ngwame, Njamba. Troisième coup de chapeau à Manu Dibango. En 1997, il crée le festival Soir au village de la ville de Saint-Calais dans la Sarthe, vous savez, la ville où qu'il avait accueilli lors de son adolescence. En 2001, il collabore à une chanson pour la Croix-Rouge humanitaire avec la chanson Nathalie Makoma. En 2007, il est le parrain officiel de la 20e édition du Festival panafricain du cinéma et de télévision de Ouagadougou. Ah, je l'ai bien dit, là. Ouagadougou. Formidable. En 2009, ben, personne ne m'applaudit, alors bon, ben, c'est même pas la peine. En 2009, il attaque les maisons de disques de Michael Jackson et de Rihanna pour avoir utilisé, sans son autorisation, le thème de son disque Saul Makossa. Ben, il sera débouté, mais enfin, cela se terminera bien, ça se terminera par un arrangement à l'amiable. En 2010, il est fait chevalier de la Légion d'honneur. En 2015, il est nommé grand témoin de la francophonie aux Jeux olympiques de Rio. En 2016, il passe en vedette au premier festival jazz de Port-Bacarès. Monsieur Emmanuel Njoké Dibango, avec vos 86 ans, vous êtes un très grand monsieur de la musique du monde, Maladie d'amour, Manu Dibango. Maladie d'amour, maladie de la jeunesse. Si tu n'aimes que moi, reste tout près de moi. Oui, maladie d'amour, maladie de la jeunesse. Si tu n'aimes que moi, reste tout près de moi. Car l'amour est petit, c'est joli, c'est joli. Mais quand il devient fort, alors là, méfiez-vous mes amis. Caché sous le feuillage, c'est comme un serpent gris. n'allez pas quand il dort. Surtout le réveiller, n'allez pas car il meurt. Si vous le réveillez, ouh, maladie d'amour, maladie de la jeunesse. Si tu n'aimes que moi, reste tout près de moi. Oui, oui, maladie d'amour, maladie de la jeunesse. Si tu n'aimes que moi, reste tout près de moi. Quand l'amour est petit, c'est joli, mais quand il devient fort, c'est plus beau que la vie. J'irai sous le feuillage chercher le serpent gris, car l'amour c'est la mort. Mais c'est aussi la vie, car l'amour c'est la mort et c'est le paradis. La prochaine chanson est un hommage au blues, et en particulier à la chanson Tobacco Road, sortie en 1960, puis reprise par de nombreux artistes. Le single est sorti en 1982 en France et s'écoule à 800 000 exemplaires. Quand la musique est bonne, Jean-Jacques Goldman. Yes. que rapporter de notre voyage au Cameroun ? Oh, d'abord, des souvenirs personnels. Alors là, on va en prendre plein les yeux. Le Ngondo et le MPO sont des fêtes traditionnelles camerounaises qui associent danse, magie, déguisement et course de pirogue. Alors, vous ferez des photos, bien entendu. Les funérailles de l'ouest et du nord du pays, curieux, donnent lieu à des cérémonies particulièrement colorées. Les fantasias du nord sont des fêtes qui donnent lieu à de belles cavalcades. Enfin, les danses Bouma font partie intégrale du patrimoine culturel des Pygmées qui vivent dans le sud-est de la forêt équatoriale. On ramènera des épices, des vêtements, des belles sculptures et des masques. Les boutiques de musique pourront également vous faire une compilation personnelle des derniers tubes africains. Bon, vous y allez, vous faites tout de menu, puis vous enregistrez tout ça. À Yaoundé, des tableaux en obum, une essence d'arbre assez malléable pour être travaillée. Et puis bon, soyez prudents, hein. Ne vous emballez pas et n'oubliez pas de discuter les prix avant d'acheter. Allez, chanson camerounaise, Massa, Charlotte Dipanda. Massa, oh, massa, massa, oh, massa.

Et c'est ainsi que prend fin Patchwork. Il me reste à remercier Yves et Guillaume pour la réalisation technique et vous, les auditeurs, de nous avoir écoutés. Vous pouvez, durant toute la semaine, retrouver le podcast de l'émission en vous rendant sur le site de Radio Fagette. Le prochain Patchwork, c'est dans 15 jours. Et dimanche prochain, n'oubliez pas la cerise sur le canto. En attendant, soyez heureux à l'écoute de Radio Fagette Nancy 94.2 pour les Lorrains ou sur le net fagette.net pour les autres Européens. Allez, au revoir.